Live, avec la visite de François Hollande, on avait l'impression que c'était quasiment général de Gaulle, c'était quasiment John F. Kennedy, politicien d'envergure. Excusez-moi, François Hollande, pas impressionnant, pas une minute, là. Sarkozy, j'ai aucune espèce d'idée, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il doit revenir, au plan de l'envergure, mais surtout au plan des réalisations. L'envergure, c'est une chose. L'envergure, c'est une chose. Il y en a qui n'étaient pas impressionnés par Bourassa. Mais Bourassa a quand même réalisé beaucoup de choses. Mais au bout du compte, l'envergure, c'est sur le présent, mais les réalisations, c'est ce qui écrit l'histoire. C'est l'héritage, c'est ça, exactement. Et à date, Hollande est un flop total. Et il est venu se faire applaudir au Québec. Est-ce que ça en valait la peine de l'applaudir autant? On va rejoindre notre ami Ulrich en France. Ulrich, comment ça va? Dominique, Jean-Claude, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ben, vous nous avez envoyé François Hollande, donc ça va pas bien. C'est ça, vous auriez aimé qu'on le conserve, qu'on le garde, qu'on l'adopte comme un enfant? Que vous l'envoyiez dans le Grand Nord et que vous le congeliez pour l'éternité. Ben voilà, on s'en est débarrassé, on l'a mis... Est-ce qu'il est arrivé, là? On lui a donné même une poussée. Il y a des gens, moi, j'ai vu les gens sur la piste de décollage qui ont poussé sur l'avion pour que ça aille plus vite. J'imagine. Avez-vous été surpris de voir... Comment... Ben, je vais reformuler ma question autrement. Comment pouvez-vous qualifier notre comportement par rapport à François Hollande? Moi, je trouvais ça un peu provincial. Oui, allez-y, vous parlez bien. C'est un peu pathétique, pareil. Hein? Vous pouvez le dire, vous pouvez nous insulter, là. Allez-y, j'ai pas de problème avec ça. Ben, faut dire que dans la francophonie, les Français sont toujours un peu donneurs de leçons. Donc, on est toujours un peu en avance sur tout le monde. Donc, c'est nous qui faisons les plus gros déficits. Enfin, nous, on fait toujours mieux que tout le monde. Hein. Donc, forcément, les Québécois doivent être un petit peu admiratifs d'un tel désastre économique en disant comment on va pouvoir faire pour faire aussi bien que les Français. Parlez-nous, justement, du désastre actuel, les dernières données. On a cru entendre, lors d'un point de presse au Québec, un journaliste français, je ne sais pas si on a même l'extrait, Jean-Claude, de ce point de presse-là donné par Hollande. Et là, il y a un journaliste français qui lui pose une question. Évidemment, c'est une question sur l'économie, c'est une question sur la mauvaise performance de la France, sur de mauvais indices. Je ne sais pas si on l'a pas loin, l'extrait, mais peu importe. Pendant le voyage d'Hollande, il y a eu de mauvaises nouvelles encore pour la France. Oh, on va l'écouter, on vient de le trouver. On l'écoute. Ah. TVA vous faisait des révélations troublantes la semaine dernière à l'effet que certaines armes... Oui, on va aller, si vous voulez, Pierre, on s'excuse tout de suite à l'Assemblée nationale pour ce point de presse du Premier ministre, M. Couillard, avec le président de la France. À cet égard, c'était un plaisir, un bonheur que d'être ici. Donc, pour la période de questions, la première question sera posée par Jean-Jérôme Bertolu, de iTélé. Monsieur le Président, cette question vous est adressée. La Commission européenne dresse des très sombres perspectives pour la France en pointant en particulier un risque de dérive budgétaire qui ferait de la France le plus mauvais élève de l'Europe. Pointe également le risque d'anémie en termes de croissance, avec une croissance deux fois moindre en France qu'en moyenne européenne. Je voudrais savoir quel est votre commentaire et comment vous pouvez rassurer les Français. L'Europe fait des prévisions, elle doit faire aussi des choix. Les choix nécessaires en matière de discipline. Et voilà, le reste c'est du blablabla. Ouais, il se fait couper la parole. Ulrich, qu'est-ce que tu penses de ça? Il se fait pourchasser partout avec de mauvaises nouvelles tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai dit il y a un an et demi que François Hollande, ça se résumait à blablabla. Ben voilà, blablabla. Donc il nous explique l'année prochaine, 2015, comment ça va être. Et puis à la fin de l'année 2015, ben, il va nous expliquer pourquoi ça n'a pas été comme il avait dit un an avant. Voilà. Et les années se succèdent comme ça. Donc ils font, si tu veux, en tant que politicien, ils doivent voter un budget un an à l'avance, c'est-à-dire que là, on va voter 2015, Et puis, ils font des projections économiques, donc ils calculent, ils font des statistiques pour savoir ce qu'on va vendre comme avion à l'étranger, nombre de touristes qui vont venir en France dépenser leur argent, etc. Et puis, lamentablement, depuis plus de 40 ans que ces statistiques sont publiées et déficitaires, ils se plantent. Et à chaque fin d'année, ils expliquent pourquoi ils se sont plantés, mais sans jamais tirer la moindre expérience qui pourrait éviter que l'année suivante, ils se plantent plus. Là, on est à la mi-terme. Je consulte la une actuellement du journal Le Monde et il y a 5 indices qui démontrent que Hollande va nulle part. C'est une analyse de mi-quinquennat. Un taux de chômage qui continue de grimper. Ça va pas bien. Une croissance en berne depuis mi-2012, qu'il n'y a pas de croissance économique. Un budget de l'État plus déficitaire que prévu. Une dette qui s'alourdit. On parle de l'envolée d'une dette depuis 2009 qui est complètement débridée, qui est non endiguée, donc incapable de la freiner. On parle même pas de rembourser la dette. On est incapable de freiner l'explosion de la dette. Et évidemment, là, on parle de l'impopularité de la 5e République. 13% des gens qui ont une opinion favorable de Hollande, c'est du jamais vu. Comment se sortir de ce bordel? Malheureusement, c'est du déjà vu. Nicolas Sarkozy, à lui seul, en 5 ans, a fait 600 milliards d'euros de nouvelles dettes. François Hollande, en 5 ans, va faire environ de 6 à 800 milliards d'euros de nouvelles dettes. Et celui qui va suivre après Hollande, qui que ce soit, que ce soit Hollande, Sarkozy ou un autre, il en fera encore plus. Parce que chroniquement, on est dans une dynamique qui ne peut faire qu'aller vers la faillite. C'est totalement inévitable. Nous sommes le 6e pays au monde qui dépense le plus d'argent au travers de l'État. 57% des dépenses publiques, enfin 57% du PIB, c'est les dépenses de l'État, est aux mains de politiciens. Il n'y a que de tout petits pays de Micronésie qui font pire que nous, ou la Libye, c'est tout. Tous les pays civilisés, entre guillemets, du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, ils dépensent beaucoup moins. Donc là, c'est la faillite du système, c'est la faillite de l'État. L'opposition fait quoi? L'opposition propose quoi? Qui est dans l'opposition actuellement? Qu'est-ce qu'on propose? Malheureusement, il n'y a pas de proposition et il n'y a vraiment pas d'opposition. Marine Le Pen, et finalement, je l'ai déjà dit, ne fait qu'une politique de gauche, c'est une socialiste. Hormis sur l'immigration, c'est un peu particulier, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire de France, mais la droite, finalement, c'est exactement la même chose que la gauche. Ils pourraient faire un grand gouvernement de coalition en associant la droite et la gauche, on ne verra pas la différence, ils ont les mêmes idées. Personne ne veut libérer l'économie, personne ne veut remettre l'entrepreneur, donc le créateur de richesse, au centre, et c'est vraiment une catastrophe, parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a pas d'alternative possible. Il n'y a pas d'alternative de liberté. Aucune. Et aucun choix va s'offrir aux électeurs dans les prochaines élections, qu'elles soient anticipées ou celles de 2017. De toute façon, on aura le choix entre blanc, blanc, blanc et blanc. Voilà, c'est tout. Mais les Français, là, comment vous réagissez? Là, vous êtes devant un cul-de-sac. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est... Jusqu'à quel point les Français vont se jeter dans les bras de Marine Le Pen pour protester? Quelles seront les avenues de protestation pour dire j'en ai marre, là, le gros j'en ai marre, là, bordel, là, on l'exprime comment, là? C'est inévitable, inévitable. Et là, on voit des gens, moi je suis au contact de personnes très différentes tous les jours, on voit des gens qui vont voter Front National, aussi bien des ouvriers, aussi bien des chômeurs, aussi bien des gens qu'on en a marre de l'immigration, que des entrepreneurs qui n'ont absolument rien compris, parce que s'ils avaient lu le programme économique de Marine Le Pen, ils ne voteraient pas Front National. C'est juste que les gens en ont ras-le-bol. Là, on voit des gens qui manifestent. Tu te rends compte, là, je fais le compte, tous les jours en France, il y a une nouvelle taxe. Hier, c'était une taxe sur la résidence secondaire. Ils veulent augmenter la taxe d'habitation de 20% pour les gens qui ont une résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est une taxe sur les parkings d'entreprise. Donc, un entrepreneur qui offre des places de parking pour que ses salariés puissent venir au travail et garer leur voiture, ils vont avoir une taxe. Et demain, c'est quoi? On peut les lister tous les jours, il y a une nouvelle. Ah oui, et ça, c'est sans parler de... du fiasco de l'écotaxe. Peut-être nous en parler un petit peu, l'écotaxe. Ah mais oui, ça c'est fantastique. Allez-y, Ulrich. Alors l'écotaxe, on a créé cette écotaxe il y a très longtemps. Ça date de 2000. Il y a 14 ans, ils ont commencé à mettre ça en place. Tu as des gouvernements de droite et de gauche qui l'ont aidé à se pousser petit à petit à venir au jour. Sarkozy l'a hérité à la fin. Et puis finalement, concrètement, elle va être mise en marche sous Hollande. Et là, tollé général, les routiers, donc les transporteurs routiers, n'en veulent pas. Ils ont brûlé les terminaux, les caméras, hein, c'est ça? Ils voilà, ont saccagé. C'est-à-dire que... En fait, c'est un péage pour que les camions puissent transporter de la marchandise. Et alors, chaque kilomètre allait être facturé aux transporteurs. Ça allait coûter les yeux de la tête à tout le monde. Et en plus, c'était collecté par une entreprise privée. C'est-à-dire que pour la première fois, on a donné la collecte de l'impôt à une entreprise privée avec un contrat un petit peu obscur. On savait pas trop qui faisait quoi. C'est une entreprise franco-italienne. Bon, finalement, ça a tellement gueulé, les portails ont été abattus, etc., qu'ils ont fait marche arrière, ils ont supprimé l'écotaxe. Imagine qu'on a vu fleurir des centaines de portails. Donc, c'est des grands ouvrages, hein. C'est quelque chose qui vaut 600 000 euros, je crois, l'unité, qui sont mis sur les autoroutes. Et ces ouvrages-là, on peut accrocher des géraniums ou des fleurs dessus, parce qu'ils vont servir à rien du tout. Ils ont reculé. Et rien que la prime d'indemnité pour que l'entreprise, en fait, abandonne la collecte des taxes, c'est 850 millions d'euros. Oh boy. Donc, la totalité du projet, sur 14 ans, ça va coûter des milliards. On est en milliards, pour rien du tout. Et là, dans le monde de ce matin, on parle du Luxembourg qui aide les entreprises à s'exiler fiscalement. C'est une enquête du Monde qui démontre que le pays a conclu des accords fiscaux secrets avec plus de 300 multinationales. Le Luxembourg, c'est à côté de la France, donc c'est sûr qu'on va assister à un exil pour... De toute façon, je suis très, très au niveau de la formation, je suis très branché là-dessus. On voit un exil massif de toutes petites entreprises. On voit un exil massif de jeunes qui finissent leurs études à l'étranger. On voit un exil massif de gens qui... J'entendais une émission cette semaine sur les brevets. Tu sais qu'il y a un organisme qui gère les brevets et les inventions au niveau mondial. Oui. Et quand tu remplis le formulaire, tu dois indiquer de quelle nationalité tu es et de où est-ce que tu habites. Ça permet de faire la différence et de savoir combien il y a de Français qui quittent la France avec leurs inventions. Eh bien, tous les ans, il y a de plus en plus de gens qui quittent la France avec leurs inventions parce que concrètement, ils ne peuvent pas les mettre en œuvre en France. Et puis après, il y a des grosses entreprises comme Kering, c'est une grosse entreprise française qui fait dans les vêtements, etc. Là, petit à petit, alors attention, on fait pas d'esclandre dans les médias, elle a délocalisé son siège à Londres. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est plus française, elle est anglaise. Et il y en a plein comme ça. Plein. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus. Alors, il y a les grandes entreprises qui font faillite, et puis il y en a d'autres qui, elles, pour survivre, n'ont pas le choix que de quitter la France. Alors, tu sais, t'as les grands discours de notre premier ministre comme Manuel Valls, qui va à Londres et qui dit que la France est pro-business, etc., etc. Et puis, il y a la réalité qui ne font pas la une des journaux, mais tous les ans, tous les jours, tu as de nouvelles taxes, de nouvelles charges, de nouvelles réglementations qui font gonfler les effectifs dans les entreprises pour pouvoir rendre les documents nécessaires que l'État demande. Ça devient une vraie folie. Et pendant ce temps-là, le chômage augmente en plus. Et l'espoir, en fait, s'effondre complètement. Les gens, maintenant, sont conscients que ils ont soit une toute petite retraite, soit pas de retraite, et que leurs enfants auront un avenir largement moins chanceux que le passé qu'eux ont eu. C'est un cycle infernal total. Donc, reprenons ce cycle-là dès le départ. L'État hors contrôle. L'État ogre qui siphonne les ressources avec une multiplication de taxes tout azimut. Vous avez des entreprises qui sont étouffées, il y en a qui ferment et il y en a d'autres qui font de l'évasion, qui s'échappent, en fait, qui déménagent, whatever. Attention, l'évasion, c'est un terme très très important, évasion. N'oublie pas qu'on ne peut s'évader que d'une prison. Ouais, c'est ça. Tu ne t'évades pas de chez toi, tu ne t'évades pas du cours de tennis, tu ne t'évades pas du supermarché, tu t'évades d'une prison. Et en France, on en arrive là. Je vais même te donner une anecdote qui va plus loin. Ils sont en train de voter une loi. Oui. Et uniquement avec Andorre. Andorre, c'est un tout petit pays entre la France et l'Espagne. Andorre, la vieille. Ils sont en train de voter une loi pour aller taxer Français qui résident à Andorre. C'est-à-dire que maintenant, l'impôt français, ça va être comme les Américains, ne va plus dépendre uniquement où vous habitez, mais de votre nationalité. C'est-à-dire que si ça continue, ils vont refaire tous les accords fiscaux qu'il y a entre la France et d'autres pays pour aller taxer les Français, peu importe où ils sont dans le monde. On va être obligé d'abandonner la nationalité française. Oh, donc vous avez beaucoup de Français qui viennent ici. D'ailleurs, François Hollande a conclu une entente avec le gouvernement du Québec pour maintenir des taux, des tarifs préférentiels pour les universités. Ces Français-là décident de rester au Québec. Et à ce moment-là, à cause de leur nationalité, ils auraient le fisc au cul. Exactement. Ils seront obligés de payer leurs impôts au Québec et ils seront obligés de payer la différence comme s'ils étaient restés en France. Et s'ils ne paient pas, à ce moment-là, il y a peut-être un mandat d'arrestation qui serait émis. Et à terme, c'est ce qu'on peut imaginer quand ça sera criminel. Vraiment la faillite. Tu sais, les politiciens ont tous les pouvoirs, ils peuvent voter n'importe quelle loi. On ne sait pas qui sera au pouvoir dans 2 ans, dans 5 ans. Une fois qu'on a donné des pouvoirs à des fous, ils peuvent faire quoi des folies. Wow! Ça, c'est grave. C'est du jamais vu dans le monde, en fait. L'histoire ne fait que bégayer uniquement que se reproduire. Friedrich Hayek a écrit La route de la servitude en 1945 pour expliquer la montée du nationalisme et du socialisme en Allemagne. Et il se reproduit exactement la même chose. Là, mot pour mot. Sur ton Facebook, tu as mis un essai. On invite les gens à aller sur le Facebook de Ulrich Génisson pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu mets quand même beaucoup de trucs là-dessus. Parle-moi en terminant, pour on va finir là-dessus, Ulrich, une espèce d'essai sur la liberté que tu viens de mettre. Là. Peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. De quoi tu parles exactement? Un livre? Sur ton Facebook, exactement, tu as inscrit un livre dernièrement sur ton Facebook. C'est le manifeste de Xavier Collet. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un prof d'université, là, lui. C'est un prof en économie. Xavier Collet, en fait, si tu veux, en France, il faut savoir que le gouvernement n'hésite pas à retirer la garde des enfants à leurs parents. C'est-à-dire pour une raison X ou Y, on appelle ça dérive sectaire. Alors, dans la dérive sectaire, ils peuvent mettre n'importe quoi. Imaginons que les parents, ils soient végétariens. Eh ben, l'État peut dire que c'est une dérive sectaire et il retire les enfants à la garde des parents. Oui. Il y a même une ministre française de la Santé qui a dit que, de toute façon, les enfants n'appartenaient pas aux parents, mais appartenaient à l'État. Donc, eh ben, Xavier Collet, lui, il a créé une association pour se battre en justice pour que les parents puissent récupérer les enfants. Parce, dans le fond, c'est une guerre contre l'arbitraire. Ce que vous dites, c'est que l'État, de manière arbitraire, un peu comme au Québec, diront certains qui ont une maille à partir avec la DPJ. La DPJ, on appelle ça la DPJ ici, donc... je ne sais pas si on a la nomenclature des rives sectaires, mais s'il y a un doute, si un fonctionnaire de l'État estime qu'il y a une tendance marginale, quelque chose qu'il estime lui-même comme étant marginal, de manière arbitraire, il va aller carrément kidnapper l'enfant et le remettre à l'État, là. C'est ça. Donc, c'est pour des problèmes de parents qui veulent éventuellement pas faire vacciner leurs enfants, des parents qui veulent éventuellement pratiquer ce qu'on appelle l'école à la maison. Enfin, toutes ces choses-là, ils appellent ça des dérives sectaires. Et on a l'État qui arrive et qui prend les enfants, qui les emmène en famille d'accueil. Et en plus, la justice étant tellement lente en France qu'on est sûr et certain que l'enfant partira des années en famille d'accueil, même si c'est à tort. C'est incroyable. La liberté est vraiment plus restreinte en France qu'ici au Québec. Au Québec, l'école à la maison, c'est autorisé. Et moyennant, évidemment, une structure, mais l'enfant doit répondre à des critères d'examen, là, quand même, mais l'école à la maison, il y en a beaucoup qui font ça au Québec. Je vais te dire, tu as parfaitement raison, mais c'est vraiment c'est une folie. Là, il y a peu de temps, imagine, au niveau européen, l'État français a perdu le droit d'obliger les gens à avoir une sécurité sociale. Ça a été perdu en 1990. Le premier Français qui a réussi à sortir de la sécurité sociale, c'est en 2000, après une procédure judiciaire très longue. Et là, en France, il y a un vrai mouvement parce que les entrepreneurs, ils n'en peuvent plus payer. Donc, ils essaient de sortir légalement, avec une procédure qui prend environ 1 à 2 ans, de sortir du régime obligatoire de la sécurité sociale pour s'assurer avec une assurance santé privée hors de France, parce que tu as des offres en Angleterre, en Belgique, etc. Bon. Eh bien, il y a eu un texte de loi qui a été voté il y a une semaine qui dit qu'une personne qui quitte le régime obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. 2 ans de prison pour juste avoir le droit de s'assurer pour sa santé ailleurs. Ah, c'est débile, là. 30 000 euros d'amende. Quand on se compare, on se console, là. En France, c'est carrément fou ce qui se passe, là. C'est fou. Je m'excuse. De toute façon... Plus tu m'appelleras et plus ça sera de pire en pire parce qu'il y a de moins en moins d'argent, il y a de moins en moins d'argent à distribuer, donc ils vont aller le chercher avec de plus en plus de férocité. Mais là, on connaît ton amour pour les États-Unis d'Amérique, Ulrich. Oui. Là, quand est-ce ton déménagement dans le Montana? Ah oui? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu prévois un déménagement bientôt? Là? On te sent au bord du précipice. Là. Oui. En toute sincérité, ça fait longtemps que j'aimerais bien immigrer aux États-Unis, qui est une terre un peu plus libre que la France. C'est très compliqué au niveau des visas, mais je m'attends vraiment au pire en France. Il y aura inévitablement une guerre civile, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir de grands mouvements. Quand, c'est difficile à dire. Est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 2 ans? Est-ce qu'il y a vraiment des mouvements? Parce que là, il y a des mouvements qu'on voit aux États-Unis, ben, des espèces de milices, etc. C'est pas sérieux, puis Washington n'est pas menacé de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe en France qui permet de dire ça? Mais c'est très simple. En France, tu as 66 millions d'habitants. Oui. Tu as que 16 millions de personnes qui travaillent dans des entreprises, patrons ou salariés. Donc ça veut dire que tu as 50 millions de personnes qui vivent de la répartition des richesses. 9 millions de chômeurs, 7 millions de fonctionnaires, 15 millions de retraités, tout ça c'est de l'argent que l'État distribue. Donc quand l'État est en faillite, qu'est-ce qui se passe? Il arrête de payer ces gens-là, parce qu'il n'a plus d'argent. Les gens sont totalement dépendants de la distribution d'argent de l'État. Il y a 50 Donc, millions. Donc quand l'État est en faillite, les gens ne mangent plus, ils n'ont plus d'argent aux distributeurs, les banques sont en faillite. Là c'est des gens, ils vont dans la rue juste parce qu'ils ont faim. Il y a combien de gens dépendants de l'État sur les 66 millions de Français? Tu prends 9 millions de chômeurs, tu prends 15 millions de retraités, wow. On est déjà à 24 millions, ouais. Tu prends 7 millions de fonctionnaires, wow, ouais. On est déjà à 31 millions. C'est la moitié. Wow. T'imagines? Et puis bien sûr, il y a les 15 millions d'enfants étudiants qui sont dépendants de leurs parents ou d'éventuellement d'aides, d'allocations, etc. Donc tu as, allez, si on fait une cote mal taillée, 75% de la population qui est directement... qui vit des subsides de l'État. Donc quand l'État réduit ça, tu te rends compte? Là, il publie encore cette semaine, 1 Français sur 5 vit dans la pauvreté ou la précarité. 1 Français sur 5, 20%. Quand ces gens-là, on leur retire le peu d'aide qu'ils ont, ils mangent plus. Donc ils vont forcément dévaster les magasins, manifester, etc. Merci beaucoup, Ulrich, pour cette chronique positive. Merci. À bientôt. Bye-bye. Va prendre une marche, là. Ouais. Oui. OK, bye. Merci. Au revoir. Donc, on regarde ça, puis oui, le Québec a beaucoup de problèmes, mais quand on se compare, on se concentre. Mais faudrait pas aller jusqu'au bout du chemin, là. Et il y a des Français qui nous écrivent, qui ont hâte de se débarrasser de leur nationalité française. Donc, ça vous donne une idée. Petite pause, on revient, vous êtes dans Morel Live. Morel Live. Morel Live. Radio.